L'islamisme, d'après le Coran par M. Garcin de Tassy. Chapitre 18. De la mort. Dieu donne la vie et la mort. 3, 149. Il vous a donné la vie, il vous l'ôtera. 16, 72. L'homme ne meurt que par la volonté de Dieu. 3, 138. Tout fils d'Adam doit payer le tribut au trépas. Nous vous éprouverons par l'infortune et par la prospérité, et vous reviendrez à nous. 21, 36. Le terme de la vie est fixé. Nul ne saurait le prévenir, ni le différer d'un instant. 7, 32. La vie du monde est semblable à la pluie que nous faisons tomber des nuages. Elle pénètre dans la terre pour féconder le germe des plantes qui servent de nourriture aux hommes et aux animaux. Les plantes croissent, la terre s'embellit de leur parure, et ses habitants comptent sur de nouvelles richesses. Alors, soit dans l'ombre de la nuit, soit à la clarté du jour, nous envoyons la désolation, et les moissons ont disparu, comme si la veille elle n'avait pas enrichi les campagnes. 10, 25. Les jouissances du monde sont passagères, la vie future est le vrai bien pour ceux qui craignent Dieu. Là, personne ne sera trompé. En quelque lieu que vous soyez, la mort vous surprendra. Les tours élevées ne vous défendront point contre ses coups. 4, 79. 80. Tous les hommes subiront la mort. 3, 181. Vous revenez à nous dépouiller de tout, tel que nous vous créâmes. Ils ne paraissent point, ces intercesseurs que vous égaliez au Tout-Puissant. La protection que vous attendiez d'eux s'est évanouie. 6, 94. Ils t'interrogeront sur l'âme. Dis-leur. Dieu s'en est réservé la connaissance, il nous a laissé bien peu de lumière. 17, 87. À la mort, l'âme est portée devant l'Éternel. 75, 30. Note. À propos de Dieu s'en est réservé la connaissance. Bédaoui, cité par Feu de Sassy, interprète ainsi ce passage du Coran. Il s'agit ici de l'esprit qui vivifie et anime l'homme, on veut dire qu'il est du nombre des choses créées qui sont produites sans matière préexistante, et sans tirer leur naissance d'une substance primitive comme les membres du corps de l'homme, ou bien on veut dire qu'il a existé par l'ordre de Dieu, et qu'il a commencé d'être parce que Dieu l'a formé. En supposant que l'objet de la question soit de s'informer de son éternité ou de sa production, ou bien enfin cela signifie que c'est une des choses dont Dieu s'est réservé la connaissance. Fin de la note. Ne croyez pas que ceux qui ont succombé dans le combat, Daed, soient morts, au contraire, ils vivent et reçoivent leur nourriture des mains du Tout-Puissant. Enivrés de joie, comblés des grâces du Seigneur, ils se réjouissent de ce que ceux qui marchent sur leurs traces, et qui ne les ont pas encore atteints, seront à l'abri des frayeurs et des peines. 3, 162, 163. Chapitre 19 de la Résurrection. Nous vous avons créé de terre, vous y retournerez, et nous vous en ferons sortir une seconde fois. 20, 57. Vous étiez mort, Dieu vous a donné la vie, il éteindra vos jours, et il en rallumera le flambeau. Vous retournerez à lui. 2, 26. Vous reparaîtrez devant le Très-Haut, et il vous montrera vos œuvres. 6, 89. Un jour, la terre sera ébranlée, les montagnes réduites en poussière deviendront le jouet des vents. 73, 14. La vie humaine n'est qu'un jeu frivole, une vie plus précieuse sera le partage de ceux qui craignent le Seigneur. 6, 31. Le séjour éternel est la vraie vie, 29, 64. La vie future est la meilleure. Ceux qui craignent le Seigneur l'ont choisi. Ne le comprenez-vous pas? 12, 109. Dieu fit jaillir la vie du sein de la mort, et la mort du sein de la vie. Il fait éclore au sein de la terre stérile les germes de la fécondité. C'est ainsi que vous sortirez de vos tombeaux. Il a formé toutes les créatures, il ranimera leurs cendres. 30, 18 et 26. Dieu a créé tout le genre humain dans un seul homme. La résurrection universelle ne lui coûtera pas davantage. 31, 27. Considérez la terre que la sécheresse a rendue stérile. Nous y versons la pluie. Son sein s'émeut, et elle produit toutes les plantes qui composent sa richesse et sa parure. Ses merveilles s'opèrent, parce que Dieu est la vérité, parce qu'il donne la vie aux morts, et que sa puissance embrasse l'univers. L'heure viendra, on ne peut en douter. Dieu ranimera les cendres qui sont dans les tombeaux. 22, 5 à 7. Le jour où les hommes sortiront du sépulcre, ils ne pourront se cacher au regard de l'Éternel. 40, 16. Quel spectacle, lorsque les méchants se lèveront, tremblants, de leur cercueil, sans pouvoir trouver un asile. Ils diront, nous croyons, mais comment leur foi serait-elle méritoire? Ils ne l'avaient pas sur la terre. Ils y vécurent dans l'impiété, et se moquèrent de notre doctrine sublime. Un intervalle immense les séparera de l'objet de leurs vœux. Ils subiront le sort de leurs prédécesseurs, parce qu'ils ont erré dans le vague du doute. 34, 50 à 54. L'homme ignore-t-il que nous l'avons créé debout? Cependant il dispute opiniâtrement. Il propose des arguments, et, oubliant sa création, il s'écrie, « Qui pourra ranimer des os réduits en poussière ?» Répond, « Celui qui leur a donné l'être, la première fois, les ranimera. » 36, 78, 79. Ignore-t-il que Dieu, qui a créé le ciel et la terre sans effort, peut aussi faire revivre les morts? Son pouvoir n'a point de borne. 46, 32. Dieu n'a-t-il pas tiré du néant les deux premiers époux? Manquerait-il de puissance pour rendre à la vie le genre humain? 75, 39, 40. Malheur à ceux qui nient la résurrection. L'impie et le scélérat rejettent seule cette vérité. La religion n'est à leurs yeux qu'une fable qu'enfanta l'Antiquité. Le crime a endurci leur cœur. Au jour du jugement, Dieu les précipitera dans l'enfer. Voilà, leur dira-t-il, les tourments que vous traitiez de chimères. Ces menaces sont véritables. 83, 11 à 18. Et quoi? Dit l'incrédule, lorsque je serai mort, ma cendre se ranimera-t-elle de nouveau? 19, 67, 68. Il n'y a point d'autre vie que celle dont nous jouissons, nous ne ressusciterons point, tel fut leur langage. Lorsqu'ils paraîtront devant l'Éternel, il leur demandera, n'est-ce pas là une véritable résurrection? Goûtez, ajoutera le Très-Haut, la peine de votre incrédulité. Ceux qui niaient la résurrection ne sont plus. La mort les surprit tout d'un coup, et ils s'écrièrent, malheur à nous, pour avoir oublié ce moment fatal. Ils porteront le fardeau de leur crime, malheureux fardeau. 6, 28 à 30. Chapitre 20. Du jugement. Craignez le jour où vous reviendrez à Dieu, où chacun recevra le prix de ses œuvres, et où l'exacte équité présidera au jugement. 2, 280. Craignez le jour où une âme ne satisfera point pour une autre, où il n'y aura ni intercession, ni compensation, ni secours à attendre. 2, 45. Ceux-là seuls, qui ont reçu l'alliance divine, auront des intercesseurs. 19, 90. Note. Les musulmans pensent qu'au jour du jugement les prophètes et les saints pourront intercéder auprès de Dieu pour les croyants qui auront des fautes à se reprocher, et que le Très-Haut, se rendant aux vœux de ses élus, daignera admettre dans le paradis ceux pour qui ils intercéderont. Fin de la note. Craignez le jour où les cœurs et les yeux seront dans la consternation. Dieu vous donnera le prix fortuné de vos mérites, il vous comblera de ses bienfaits, il les dispensera à son gré, et sans compte. 24, 37, 38. Chacun, dans ce jour dont on ne peut douter, recevra la rétribution de ses œuvres. 3, 24. J'en atteste l'Éternel, celui qui connaît les secrets viendra vous demander compte. L'atome n'échappera point à sa pénétration. Les moindres choses, comme les plus grandes, sont écrites dans le livre de l'évidence. 34, 3. Pensez-vous que celui qui aura fait la volonté de Dieu sera traité comme le coupable qui aura mérité sa colère, et qu'il sera livré au tourment de l'enfer, séjour du désespoir? Le Tout-Puissant les traitera différemment, il pèse les actions des mortels. 3, 155, 156. Les croyants qui auront fait le bien seraient-ils traités comme les impies, qui n'ont connu d'autre loi que la violence? L'homme vertueux est le scélérat, l'aveugle est celui qui voit, éprouverait-il le même sort? 38, 25, 40, 60. Chacun y aura pour soi ses œuvres, personne ne portera le fardeau d'autrui. 6, 163. Vous paraîtrez au tribunal de celui devant qui tous les secrets seront dévoilés. Il vous montrera vos œuvres. 9, 107. Vous retournerez tous à lui. Ses promesses sont infaillibles. Celui qui a formé l'homme le fera reparaître devant son tribunal. Il récompensera avec justice les croyants qui auront pratiqué la vertu. Les infidèles subiront des tourments dignes de leur incrédulité. 10, 4. Vous trouverez dans les mains de Dieu le bien que vous aurez fait. Vous recevrez la récompense de vos vertus. 73, 20. Ils te demanderont quand viendra le jour du jugement. Réponds, Dieu s'en est réservé la connaissance. Il veut te laisser ignorer si sa venue est prochaine. 33, 63. En ce jour tous les hommes seront rassemblés. 18, 99. Nul mortel ne pourra se dérober au regard de Dieu. 69, 18. Lorsque le son de la trompette retentira, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sera saisi d'effroi, excepté les élus du Seigneur. Tous les humains paraîtront devant lui, humblement prosternés. 27, 89. Alors qu'ils seront réunis, le séjour qu'ils ont fait sur la terre ne leur paraîtra avoir duré qu'une heure. Ils se reconnaîtront mutuellement. 10, 46. Le jugement universel ne durera qu'un clin d'œil, ou sera plus prompt encore, parce que rien ne limite la puissance de Dieu. 16, 79. Ceux qui se présenteront avec de bonnes œuvres recevront un prix glorieux et seront exempts des frayeurs du grand jour. Ceux qui n'apporteront que des crimes seront précipités dans le feu, le visage prosterné. Seriez-vous traité autrement que vous aurez agi? 27, 91, 92. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, rien n'échappe à sa connaissance. 11, 112. Dans ce jour, l'excuse des coupables sera vaine, la malédiction les environnera, et l'enfer sera leur partage. 40, 55. Dieu séparera les bons d'avec les méchants. 8, 38. Les justes rassemblés formeront le cortège du miséricordieux. Les scélérats descendront dans l'enfer. 19, 87, 88. Le jour où le temps s'arrêtera sera l'instant de la séparation. Les croyants, qui ont exercé la bienfaisance, habiteront le paradis. Les infidèles, qui auront nié la foi et la résurrection, seront destinés au tourment. 30, 11 à 15. Au jour du jugement, la justice sera utile à ceux qui l'auront pratiquée. Ils entreront dans les jardins où coulent des fleuves, ils y demeureront éternellement. Dieu a mis en eux ses complaisances, ils trouveront en lui leur bonheur. Ils jouiront de la souveraine béatitude. 5, 119. Le front des justes paraîtra rayonnant de gloire. Leurs regards seront tournés vers le Seigneur. Le visage des méchants sera couvert des ombres de la tristesse. Le malheur prêt à fondre sur eux occupera leurs pensées. 75, 22 à 25. Le jour où nous rassemblerons tous les hommes, nous dirons à l'idolâtre, où sont les dieux que tu égalais à l'Éternel? Appelle tes divinités, il les invoquera inutilement. Ils garderont le silence, et il verra les tourments qu'il eût évités, s'il avait suivi la vraie religion. 28, 62 à 64. Que feront les infidèles, lorsque nous rassemblerons contre eux des témoins de toutes les nations? 4, 45. Dans ce jour, nous ferons lever du milieu de chaque peuple un prophète, pour témoigner contre lui. 16, 91. Note. Mahomet déclare dans le Coran, ainsi qu'on a pu le voir dans ce petit ouvrage, que Dieu a envoyé à chaque nation un prophète pour lui annoncer la véritable religion, c'est ce prophète qui viendra déposer contre elle. Amis sur la terre, les méchants seront ennemis dans l'autre monde, mais la tendre amitié suivra les justes. 43, 67. Lorsque l'arrêt sera prononcé, Satan dira aux damnés, les promesses de Dieu étaient véritables, les miennes trompeuses, mais je ne vous ai point forcé d'y ajouter foi. Je vous ai sollicité, vous m'avez répondu, ne me faites point de reproches, n'en faites qu'à vous-même. Je ne puis ni vous donner de secours, ni en recevoir de vous. 14, 27, 28. Une voix criera, ô assemblée d'hommes, n'avez-vous pas eu au milieu de vous les ministres du Seigneur? Ne vous ont-ils pas raconté ces merveilles? Ne vous ont-ils pas rappelé le souvenir du grand jour? Les réprouvés répondront, nous le confessons contre nous-mêmes. 6, 130. Mais dans ce jour, il sera inutile aux infidèles de croire. On ne recevra plus leur repentir. 32, 29. Les scélérats insultent aux croyants par leur plaisanterie. S'ils passent près d'eux, ils les regardent d'un œil méprisant. Mais au jour du jugement, les fidèles riront des méchants. 83, 29 à 34. Chapitre 21. Du purgatoire. Une barrière s'élèvera entre les élus et les réprouvés. Là seront des hommes qui, malgré l'ardeur de leurs désirs, ne pourront entrer dans le paradis. Lorsqu'ils tourneront leur regard vers les victimes du feu, ils s'écrieront, Seigneur, ne nous précipite pas avec les pervers. 7, 44, 45. Note. Une barrière s'élèvera entre les élus et les réprouvés, c'est ce que les catholiques nomment purgatoire. Les musulmans croient, comme eux, que les prières et les aumônes des vivants pour les morts sont utiles au repos de leurs âmes. L'opinion de leurs théologiens est uniforme sur ce point. Nous remarquerons, à ce sujet, que les musulmans ont plusieurs dogmes, institutions et pratiques du catholicisme que n'admettent pas tous les chrétiens. Outre la croyance dont il est ici question, nous citerons la dévotion aux anges gardiens, l'intercession des saints auprès de Dieu, la vénération pour leurs tombeaux et pour leurs reliques, les pèlerinages, le respect profond pour la tradition et pour les écrits des saints docteurs, les ordres monastiques, le carême, etc. Chapitre 22. De l'enfer. Qui pourrait décrire l'enfer, cet abîme épouvantable, 104, 5, ces gouffres qui revendiqueront l'infidèle et le riche qui aura été avare, 70, 18, 19. Tous les méchants seront réunis dans ce lieu, 8, 57. Dieu rassemblera les scélérats et les livrera au tourment des flammes. Leur perte sera consommée, 20, 38. Ceux à qui l'orgueil fera rejeter la soumission au Très-Haut seront livrés à la rigueur des tourments. Ils ne pourront trouver ni appui, ni protection contre Dieu, 4, 172, 173. Ils recevront la peine de leurs crimes, l'opprobre les couvrira, ils n'auront point d'intercesseurs auprès de Dieu. Un voile semblable à la nuit ténébreuse enveloppera leur visage. Ils seront les victimes d'un feu éternel. 10, 28. Lorsque l'ange de la mort frappe les impies, ils demandent grâce, et s'écrient, « Nous n'avons point fait de mal. Vous êtes coupables, leur dit l'ange, et Dieu connaît vos attentats. Descendez dans l'enfer, habitez éternellement la demeure affreuse des superbes, 16, 30, 31. Quand le temps arrêtera son cours, on leur dira, entrez dans le séjour des plus affreux tourments. Là on entendra les plaintes des infidèles, nous vous avons suivis, dira le vulgaire à ses chefs orgueilleux, nous délivrerez-vous maintenant du feu qui nous dévore? Nous y sommes plongés comme vous, répondront leurs docteurs. La sentence de notre condamnation est prononcée, 40, 51. Celui qui se présentera devant le tribunal de Dieu, souillé de crimes, descendra dans l'enfer. Il ne pourra ni éprouver la mort, ni jouir de la vie, 20, 76. Saisissez. Liez l'impie, jetez-le dans le feu éternel. Il n'a pas cru au Dieu grand, il ne s'est point inquiété de la nourriture du pauvre, il ne trouvera pas ici d'amis, 69, 30 à 35. À la vue des tourments, il s'écriera, que ne puis-je retourner sur la terre, je pratiquerai la vertu, 39, 59. Ceux qui occuperont la droite entreront dans le jardin de délices. Ils demanderont aux méchants, qui vous a fait tomber dans l'enfer? Nous n'avons pas fait la prière, répondront-ils, nous n'avons point nourri le pauvre, et nous avons traité de chimère le jour de la résurrection. La mort fatale nous a surpris, 74, 41 à 48. Les gardiens de l'enfer demanderont aux troupes de réprouver qui y descendront, aucun prophète ne vous a-t-il prêché la foi? Ils nous l'ont prêché, répondront-ils, mais nous les avons traités d'imposteurs. Nous avons prétendu que Dieu ne leur avait rien révélé, et qu'ils étaient les apôtres du mensonge. Hélas, si nous les avions écoutés, si nos cœurs avaient reçu leur doctrine, nous ne serions pas au nombre des réprouvés. Ils feront l'aveu de leur crime, mais l'arrêt de leur condamnation est irrévocable, 67, 8 à 11. Les infidèles, au milieu des brasiers de l'enfer élèveront vers le ciel leur cri plaintif, Seigneur, retire-nous des flammes, Nous ferons le bien que nous avons omis. N'avons-nous pas prolongé vos jours, leur répondra-t-on, afin que celui qui devait suivre la lumière ouvrit les yeux? N'avez-vous pas reçu un apôtre? Subissez votre sort. Il n'y a point de secours pour les infidèles. 35, 33 à 35. Les réprouvés crieront aux bienheureux, répandez sur nous de cette eau et de ces biens dont Dieu vous nourrit. On leur répondra, cet avantage est interdit aux infidèles. Ils se sont laissés séduire par les charmes de vie mondaine. Nous les oublions aujourd'hui, parce qu'ils ont oublié le jour du jugement et qu'ils ont rejeté nos oracles. 7, 48, 49. En vain s'efforceront-ils de s'arracher des flammes, ils y demeureront ensevelis, et leurs souffrances seront éternelles. 5, 42. Un héros prononcera au milieu de ces mots, malédiction de Dieu sur les impies. Ils ont écarté leurs semblables de sa loi, ils se sont efforcés d'en corrompre la pureté, ils ont nié la vie future. 7, 42, 43. Markend Anarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.